fin d'été, tu t'en es allé sans te retourner. Tu m'as délaissé cette fin d'été. Je m'en souviendrai. La foudre est tombée dans mon cœur blessé. Quand revient l'été, dans les champs de blé, j'en suis à rêver que tu vas rentrer. Quand s'en va l'été, loin des champs de blé, j'en suis à trembler que tu m'aies quitté. Chaque fin d'été, c'est la même plaie qui toujours renaît pour me rappeler des saisons passées, passées à tenter d'oublier ton rire envolé. Quand revient l'été, dans les champs de blé, j'en suis à rêver que tu vas rentrer. Quand s'en va l'été, loin des champs de blé, j'en suis à trembler que tu m'aies quitté. Une fin d'été, moi je m'enfuirai et je marcherai dans tes pas laissés, dans ces champs de blé où s'endort l'été pour se réveiller juste à nos côtés. Quand revient l'été, dans les champs de blé, j'en suis à rêver que tu vas rentrer. Quand s'en va l'été, loin des champs de blé, j'en suis à trembler que tu m'aies quitté.